Maintenant que le héros est posé, Sam Raimi va se livrer à son jeu préféré, la déconstruction du mythe et la maltraitance physique. Ici, Peter Parker traîne son spleen et galère à trouver un job, à une vie sociale à minima et une vie sentimentale pathétique. Spider-Man, quant à lui, n'a plus la niaque des débuts, ses pouvoirs deviennent aléatoires et un nouveau méchant débarque avec un potentiel de destruction extrême. En effet, l'iconique Docteur Octopus débarque suite à une malheureuse expérience financée par Oscorp. La naissance de Doc Ock offre d'ailleurs à Sam Raimi l'occasion de nous offrir une séquence mémorable qui me fait penser au Evil Dead. Plus tard, Spidey se verra aussi offrir son moment de gloire avec la fabuleuse séquence du train. Encore une fois, le film prend beaucoup de temps pour poser son méchant et ses enjeux et nous laisse entrer en empathie avec cet homme brisé. Le plat de résistance gastronomique 5 étoiles.